Tenir salon, c'est une expression que je ne connaissais pas. Un passé glorieux, les grands salons qui ont précédé la Révolution française. C'est quand les gens de la haute société se réunissaient pour parler d'art. Et puis un passé plus bourgeois, familial. Le terme reste pour signifier ce regroupement de personnes pour parler, pour se retrouver. Je pense que pour Maha, ce qui était important, c'était de faire de l'espace d'exposition un lieu accueillant. D'accueil dans le sens presque d'hospitalité. On leur ouvre un espace domestique et on les guide dans la découverte de sa lecture de ce territoire qui est Yvetot, le pays de Caux. Le salon que je crée ici, c'est cette occasion de rencontre. C'était ma rencontre avec les gens ici avant l'expo et mon travail avec eux. C'est les visiteurs qui se rencontrent ici entre eux, qui discutent. C'est la rencontre des visiteurs avec les pièces et le dialogue que ça peut susciter. Et la rencontre des pièces entre elles. On rentre dans un étrange salon quand même, parce que les objets y sont exposés, suspendus, accrochés au mur. Totalement surpris, parce qu'on s'attend à un salon, évidemment, d'une manière ou d'une autre. Et en fait, pas du tout, quoi. Comme dans un vrai salon, chaque chose est à sa place, mais selon la vision de Mara. Adèle Hermier, je suis en charge du développement des publics et de la communication à la Galerie du Champ. Mahayamine, je suis artiste libanaise. J'habite en France depuis 2014. Je suis Julie Feto, directrice de la Galerie du Champ. Norbert Tanger, donc j'habite à Yvetot. Pour préparer l'expo, j'ai passé un mois à Yvetot. C'était ici une expérience nouvelle où j'ai dû m'introduire dans un nouveau territoire. Mais je voulais que ça soit un peu plus que du tourisme. Vivre vraiment dans cette ville, rencontrer des gens, apprendre de nouveaux gestes. L'artiste s'est installé à domicile chez des gens qui ont bien voulu la recevoir pour la faire participer à leurs activités quotidiennes. Et trouver des idées qui peuvent faire un lien entre ce que je connais dans ma culture et la culture française. Elle parle de toutes les coutumes, de tous les usages, de tous les gestes qui appartiennent à un pays et qu'elle a essayé d'apprendre comme pour s'intégrer ou s'assimiler à ce pays, assimiler des gestes. Mais c'est aussi une transmission qui s'opère entre l'œuvre et le visiteur, qui a ses propres souvenirs. Et donc cette émotion que je ressens tout à coup, c'est presque un miroir. C'est-à-dire que c'est moi, en fait. Et je pense que cette émotion est ressentie par beaucoup de gens. Chaque être différent, chaque être singulier peut se dire, mais cette affaire me concerne. Le premier fil conducteur, c'était une machine à la gare à Rouen, qui est un distributeur d'histoires, de contes. On presse un bouton et on a un conte qui sort imprimé sur un papier qu'on peut lire. Et là, c'était l'histoire d'un torchon et d'une serviette qui tombent amoureux dans une maison, mais qui ne peuvent pas se rencontrer parce que c'est des milieux différents. Et puis aussi, j'ai découvert dans un livre que j'ai trouvé dans une brocante, qui est un livre des contes de grand-mère. Il y a une histoire sur l'armoire normande, le classement et le rangement des pièces dans cette armoire, où il y a aussi une valeur attribuée aux serviettes qui n'est pas attribuée aux torchons. Et l'expression qu'il ne faut pas mélanger torchon et serviette. Alors tout ce vocabulaire a inspiré la pièce qui s'appelle De torchon et de serviette. Là, il y a les taches qui sont restées. Et puis, les petites fleurs brodées, finalement, les taches et les fleurs vont bien ensemble. Puis là, on est sur les serviettes à bas prix, hein, les petites serviettes mouchetées que certains de nos camarades avaient. Et on savait très bien ce que ça voulait dire à l'école. Et ici, ce qui va être intéressant, c'est le trou. Voilà, ça s'est troué à force d'usure, mais en s'approchant un peu plus près, le trou est brodé. La réparation n'a pas effacé le trou, mais elle l'a juste ourlé. Les torchons, je les ai récoltés dans des maisons à Yvetot. La broderie, c'est ma maman qui l'a faite au Liban. On a adapté des motifs de broderie qu'on cherchait dans des magazines françaises que ma maman a depuis les années 1980. On retrouve un processus de remise en question des hiérarchies acceptées et des distinctions qu'on fait en général entre art et artisanat, ce qui est une opposition qui a une longue histoire. La couture, le lien, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être retrouver finalement dans l'ensemble de l'exposition, c'est-à-dire une façon de créer des liens entre des cultures, entre des paysages, entre des mémoires et entre le statut de différents gestes. C'est vrai que ce sont des torchons, mais ce n'est pas ça qui saute aux yeux. On aperçoit tout de suite des petites choses qui relèvent de l'art ancien. Donc on comprend ensuite qu'il s'agit de torchons qui ont été embellis. Alors c'est un peu une allégorie de cette différence qu'on attribue aux objets et même dans la société. J'ai une émotion qui se met en place. Je vois tout à coup quelque chose qui est tout à fait banal, qui est devenu quelque chose de comparable presque à une icône. Dans mon travail, je prends toujours des objets ou des gestes de la vie quotidienne qui sont déplacés de leur milieu au contexte de l'exposition. Ce déplacement d'un objet usuel, d'un objet ordinaire vers l'exposition, il a commencé dans l'histoire de l'art avec Marcel Duchamp et le ready-made. Il nous a ouvert la voie de faire le choix d'un objet en tant qu'artiste et de le déplacer. Mais ce choix aussi ne peut pas être seulement justifié par l'histoire de l'art, il est justifié aussi par les significations que peut porter un objet. Les gens ont tendance à valoriser un objet plus qu'un autre par des pratiques culturelles, religieuses ou rituelles. C'est ce choix qui appartient à une certaine communauté qui est produit là-bas et qui se déplace pour avoir ce nouveau statut. Je me reconnais en tant que personne dans la modestie à la fois de cette pièce de linge qui sert à travailler, qui sert à faire vivre un foyer domestique, mais aussi dans l'apport, le complément de beauté qui a été apporté par les femmes qui ont brodé les petits encarts, les petits compléments sur ces pièces. Salon des artistes cauchois, Yvetot, du 3 au 18 août 1957. Le Salon des artistes cauchois, c'est un catalogue de quelques pages que j'ai trouvé à la bibliothèque des archives à Rouen. Et le nom m'a intriguée, alors j'ai demandé ce document. Et à ma surprise, c'était trop petit, et avec quelques feuilles qui contiennent juste les noms des artistes avec le titre de l'œuvre, numéroté. 32, le port des voiliers à Tunis. 33, enfants. 34, paysages. 99, tête de femme. 35, Val Cauchois. 36, Étretat. 37, nature morte. 38, nature morte. 39, nature morte. 42, port de Fécamp. 43, les titres des pièces font référence à des paysages normands. Et c'était pour moi la façon de nouer vraiment avec le territoire, par l'art aussi. La particularité du Salon des artistes cauchois tel qu'il a été donc exposé en 1957, c'est qu'il associait en fait des tableaux prêtés par le Musée des Beaux-Arts de Rouen et des peintres amateurs. Monet Claude, Sisley Alfred, Boudin Eugène, Lebourg Albert, L'Ouvrier Maurice, Pinchon Couchot, Blanche Jacques Émile, Delâtre. Et Maha, donc, quand elle a décidé de réinterpréter ce salon, son protocole était de reproduire toutes les peintures présentées dans cette exposition. Et quand elle ne trouvait pas les sources originales... Alors, il fallait juste prendre le titre et faire quelque chose avec. Ça paraît presque fou comme démarche d'avoir créé ces centaines de tableaux à partir de ce tout petit catalogue. Toutes ces peintures, donc voilà, les paysages de Claude Monet, les portraits de Jacques-Émile Blanche, et puis ces peintures d'amateurs sont toutes accrochées à la même hauteur, dans un même format, encadrées de la même façon. Une certaine frise qui ressemble un peu à la consommation contemporaine d'images qui se passe par les réseaux sociaux. Voilà, il y a aussi une espèce de pied de nez comme ça, voilà, les maîtres qu'on reproduit à côté de peintures amateurs, finalement, qu'elle reproduit elle aussi. J'ai voulu lui donner plus de valeur, peut-être, avec mon geste. Élever ce salon à un autre statut, peut-être, aussi. Tous ces petits tableaux, évidemment, c'est chez nous, quoi. C'est très émouvant. Pourquoi c'est très émouvant ? Parce que voilà une personne qui vient du bout du monde, hein, et qui, tout à coup, en quelques semaines, quelques coups de brosse, réussit à recréer complètement l'ambiance de notre pays, quoi. La transmission ne se limite pas à la peinture, mais à la relation que les visiteurs ont avec ces paysages, qu'ils reconnaissent. C'est parce qu'une personne qui m'est complètement étrangère, que je n'ai jamais vue, qui n'est même pas de mon pays et de mon quartier, a réussi à évoquer en fait l'humanité que nous partageons tous. Ce plaisir et cette émotion dans l'exposition de tenir salon constituent entre nous tous un partage et un lien. Moi, ce que je fais, ce n'est pas seulement de transmettre, mais c'est de créer ces nouvelles significations qui peuvent naître dans la rencontre, dans l'expo. Peut-être. Tenir salon, une exposition de Mara Yamine présentée à la Galerie Duchamp. Un portrait sonore réalisé par Marie-Laine Carr.